Vous souvenez-vous de la première rencontre entre Roméo et Juliette? Leurs paroles, leurs gestes, leur premier baiser. Comment l'auteur de cette rencontre inoubliable construit-il l'amour dans et par la langue? Sous sa plume, l'amour est-il l'objet à décrire ou ce qui advient dans l'écriture? Ce matin, Shakespeare est notre guide, mais le Shakespeare moins connu qui a écrit non pas du théâtre, mais des sonnets d'amour. The day so young. But new struck nine. Why me sad hours seem long. What sadness lengthens Romeo's hours. Quelle tristesse allonge ainsi les heures de Roméo. Celle de ne pas avoir ce qui, dès qu'on l'a, la rend trop brève. Bien. L'amour. L'absence. D'amour. Monsieur, l'absence de faveur de celle que j'aime. Non. Économise tes moyens. Bien, monsieur. M'as-tu compris? Non, monsieur. Il parle d'une friponne que nous ne connaissons pas. Que te restera-t-il à dépenser quand il rencontrera sa Juliette? Juliette? Tu veux dire est-elle? Par le ciel! Faut-il que je supporte ce flot constant d'interruptions? Que feras-tu à l'acte 2 quand il va rencontrer l'amour de sa vie? Je vous demande pardon, je n'ai pas encore lu l'acte 2. Et comment l'aurais-tu lu? Je l'ai pas écrit. Reprenons. Will? Où est Mercutio? En lieu sûr là-dedans. Je te confie la scène si tu veux bien, Ned. J'ai un sonnet à écrire. Un sonnet? Tu veux dire une pièce? Et non, il s'agit bien d'un sonnet. Bonjour Anne-Marie Miller-Blaise. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous. Vous êtes vice-présidente de la Société française Shakespeare. Vous enseignez la littérature et l'histoire culturelle britannique des 16e et 17e siècles à l'Université Sorbonne Nouvelle. Et vous avez travaillé sur l'édition des sonnets de Shakespeare à paraître en Pléiade à la fin de l'année. On s'en réjouit. Est-ce que vous distinguez le Shakespeare dramaturge du Shakespeare poète? Alors, c'est compliqué de les distinguer parce qu'en fait, Shakespeare a écrit à une période où le théâtre est considéré comme de la poésie. Et être poète, c'est être dramaturge. Mais il a un rapport très différent, peut-être à la poésie et à ses enjeux, en fait, à la fois sur la scène et dans l'écriture de ses sonnets. Donc c'est vrai que cette scène de rencontre entre Roméo et Juliette, à laquelle le passage qu'on vient juste d'écouter fait référence, se matérialise dans le texte de la pièce à l'acte 1, scène 5, par un échange de mots qui devient un sonnet, en fait. Et donc on voit dans la pièce, évidemment, que, comme le dira plus tard François-Victor Hugo, tous les amoureux font des sonnets, et c'est le langage même des amoureux. Mais c'est vrai que dans la pièce, Shakespeare ne donne pas un sonnet directement, et ce n'est pas lui qui parle. Il fait parler des personnages, et des personnages qui incarnent en fait toute une tradition poétique, qu'il tourne en dérision ou dont il montre les limites, les apories, les difficultés. Donc je crois que c'est très différent de regarder le sonnet sur scène, ce qu'il en fait sur scène, et ce que le sonnet devient dans son recueil de sonnets, même si ces sonnets-là ont aussi une qualité dramatique, dramaturgique presque, et peuvent se dire et peuvent s'entendre comme des choses que l'on récite sur une scène. Mais les enjeux poétiques et sociaux sont très différents néanmoins. L'extrait que nous avons entendu est un extrait du film Shakespeare in Love, le film de John Madden qui date de 98, dans lequel on voit Shakespeare, joué par Joseph Fiennes, qui met en scène Roméo et Juliette, et la personne qui joue Roméo est en fait une femme qu'il a vue la veille, dont il est tombé amoureux et pour laquelle il décide d'aller écrire un sonnet à la fin de la pièce. Et cet extrait est intéressant parce qu'il distingue justement le théâtre, qui serait pour lui le lieu d'une sorte de mise en scène, du sonnet qui semble être plus proche de son cœur. Est-ce que c'est une bonne manière, un bon guide à suivre pour lire ces sonnets, comme on va le faire ce matin, que de se dire que nous sommes plus proches du cœur et de l'intimité de Shakespeare dans ses sonnets que dans ses pièces de théâtre? En tous les cas, c'est une grande tentation, mais une tentation dont il faut se méfier aussi, je crois. Oui, j'imagine. Parce qu'en fait, il pensait que le sonnet, c'est l'écriture de l'intime, c'est une idée qui va surtout surgir dans les lectures romantiques que l'on va faire de Shakespeare plus tard, et qui va surtout surgir à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'on commence à identifier le Shakespeare des sonnets comme un Shakespeare qui parlerait en son nom propre, et lorsqu'on commence à voir les sonnets comme une sorte de trace autobiographique de l'auteur. Donc c'est tentant de les voir comme une forme de l'intime, et c'est vrai que dès Pétrarque, hein, le sonnet est une forme qui semble donner voix et donner corps à une douleur amoureuse ressentie au plus profond de soi-même. Mais je pense qu'il faut vraiment se garder de cette tentation. Et c'est intéressant de penser le sonnet et le recueil de sonnets comme partiellement biographique peut-être, mais aussi comme des autofictions. Il faut s'en méfier parce qu'il y a beaucoup d'autres enjeux qui apparaissent en fait dans le recueil de sonnets. Oui, pour la tentation, mais attention, oui. Tout de même, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi nous mener dans vers des grilles de lecture qui sont trompeuses en fait et qui font après des sonnets des textes employés pour défendre telle ou telle idée de l'amour ou même de la sexualité, alors que ce n'est peut-être pas l'enjeu premier de ce recueil. Voilà. Un sonnet, c'est un poème à forme fixe de 14 vers, généralement réparti en 4 strophes, et la mode du sonnet qui vient d'Italie, en fait, va connaître un succès au XVIe siècle. Je pense à ceux de Ronsard, notamment, qui datent de 1578. Les sonnets de Shakespeare ont été publiés en 1609 par le libraire-éditeur Thomas Thorpe, sans doute sans l'autorisation de l'auteur. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur la forme du sonnet et comment il s'inscrit dans sa biographie avant qu'on les écoute, justement? Alors, c'est deux questions qui me semblent assez différentes. D'une part, la forme du sonnet, c'est une forme qui est effectivement fixée plutôt en Italie, hein, en départ, dans la langue italienne. Et le sonnet, c'est une forme poétique qui est vernaculaire et qui cherche à valoriser la langue vernaculaire. Donc ça, c'est un aspect très important. Du sonnet. Dans la tradition italienne, le sonnet est pas exactement composé de 4 strophes, c'est plutôt l'interprétation française du sonnet, mais il est plutôt composé d'un huitain et d'un sixain qui en fait introduisent par le jeu des rimes qui sont des rimes embrassées dans le huitain et puis des rimes qui suivent un modèle qui peut varier dans le sixain, qui vraiment parle de l'expérience amoureuse comme l'expérience d'un déséquilibre, en fait, d'une mélancolie, puisque le sixain vient renverser quelque chose, une proposition qui est faite dans le huitain, mais ne parvient pas à rétablir les choses ou rétablir un équilibre complètement. Donc on est toujours dans une situation de déséquilibre, en fait, entre le huitain et le sixain, oui, qui permet d'articuler ou de donner corps à la mélancolie propre de l'amour. Dans le sonnet français, c'est interprété souvent, effectivement, et on le voit dans la mise en page de l'époque, comme un poème de 4 strophes. Mais chez Shakespeare, cette forme va être interprétée autrement. Et si on regarde les éditions anciennes, on s'apercevra que, en fait, le sonnet est publié imprimé d'un bloc sur la page, avec juste un léger décalage pour les deux derniers vers. Ce qui arrive chez Shakespeare, c'est qu'on a, en fait, au niveau des rimes, 3 quatrains, suivi d'un distique final, et cette transformation formelle vient en fait vraiment changer la donne de ce qui se passe dans un sonnet, puisque souvent dans le sonnet italien, on a ce qu'on appelle une volta, qui est le retournement dans le sixain, mais en fait chez Shakespeare, par le jeu des rimes et par le jeu de ces strophes que l'on entend dans les rimes, il vient répéter plutôt 3 fois un argument avec un léger retournement déjà dans le troisième quatrain, et puis une chute beaucoup plus brutale dans le distique final. Et cette chute brutale dans le distique final permet vraiment à Shakespeare de donner voix à son irrévérence, son irrévérence caractéristique, et sa voix iconoclaste, notamment sur l'amour, parce qu'il utilise beaucoup ses sonnets, d'ailleurs qu'il soit sur la scène ou dans son recueil de sonnets, pour déconstruire l'édifice pétrarchiste, dont il s'inspire dans le même temps. Mais c'est important de voir ce changement formel et la façon dont les strophes elles-mêmes peuvent conduire à parler autrement de l'amour par un équilibre strophique, oui, et rythmique différent. Donc ça, c'était pour votre première question. Bon. Voilà. Mais on va prendre un exemple, parce que le sens de ma question en deux parties, comme vous l'avez pointé, c'était d'interroger le lien entre cette forme si particulière que vous venez de décrire pour interroger la rencontre entre Shakespeare et cette langue poétique si particulière. Mais je vous propose, avant qu'on continue, d'écouter quand même un sonnet qui pose cette question-là, qui interroge le pouvoir de l'art poétique. Que peut l'art poétique ? C'est sans doute la question qu'on trouve dans ce sonnet que voici, lu par Denis Podalydès. Vais-je te comparer à un jour en été ? Mais tu as plus de charme et bien plus de douceur. Des vents rudes secouent les chers bourgeons de mai et le bail de l'été à un terme trop court. Quelquefois, l'œil du ciel brûle trop ardemment et souvent le teint d'or du soleil s'obscurcit. Toute beauté déchoit quelques jours de son rang par le sort ou le cours changeant de la nature. Mais ton été sans fin ne peut pas se flétrir ni perdre la beauté qui t'échoit en partage. Mort ne pourra se vanter que tu erres dans son ombre quand en vers immortel ta gloire grandira. Tant que dure la vue et le souffle des hommes, ce poème vivra pour te donner la vie. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les sonnets de Shakespeare sont à l'honneur ce matin pour parler des rencontres, rencontres amoureuses, rencontres aussi entre le dramaturge et la langue poétique. Avec nous, si j'ose dire, ou depuis chez elle, pour nous parler de ces sonnets de Shakespeare, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Anne-Marie Miller-Blaise. Vous venez d'entendre ce sonnet, alors peut-être faut-il signifier en quoi il se distingue des 17 premiers sonnets, pour comprendre quelle est la spécificité de celui-ci. Alors peut-être juste avant de répondre à votre question, j'aimerais saluer Jean-Michel Desprats qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il s'agit de sa traduction inédite du sonnet tout à paraître bientôt. Donc je le remercie d'avoir partagé ses nouvelles traductions avec nous. Oui, qui nous autorise à diffuser sa traduction alors qu'elle n'est pas encore publiée. Elle paraîtra en Pléiade à la fin de l'année, en fin 2020. Donc la particularité de ce sonnet-ci, c'est qu'elle se trouve après toute une série de sonnets qui ouvrent le recueil des sonnets de Shakespeare. Je dis des sonnets de Shakespeare, on le sait bien sûr, mais parce que c'est le titre du recueil tel qu'il est publié en 1609. Et les 17 premiers sonnets se présentent comme une invitation à un jeune homme de se marier afin de pouvoir procréer et conserver à travers sa descendance sa beauté immense. Et c'est en fait Shakespeare, dans les 17 premiers sonnets, s'inscrit dans une tradition rhétorique, puisque dans les manuels de rhétorique de l'époque, on donnait notamment comme modèle de rhétorique une lettre d'Erasme à un jeune homme l'enjoignant à se marier. Et donc Shakespeare suit cette tradition, mais petit à petit, en fait, son recueil va en fait trouver un autre chemin. Et le sonnet 18 est très intéressant parce que d'une part, il remet en question l'usage de la langue poétique. À quoi sert la langue poétique? Est-elle capable ou non de dire l'amour? Et en fait, il s'instaure aussi une rupture dans ce sonnet 18, c'est-à-dire que la problématique n'est plus tant que d'encourager le jeune homme à se reproduire à travers la procréation pour garantir la beauté, l'éternité de sa beauté ou la postérité de sa beauté, mais en fait, évidemment, le poète devient en quelque sorte le substitut pour cette procréation et c'est sa poésie qui va prendre le relais de cette postérité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il commence par une question, vais-je te comparer à un jour en été, parce que, évidemment, c'est une comparaison, une métaphore qui est tout à fait usitée à l'époque, utilisée, qui est courante, mais Shakespeare va nous montrer... Le jour en été ? Le jour en été. C'est une métaphore courante, celui-là ? Par exemple, oui, parmi d'autres. Le soleil aussi, c'est une métaphore très commune. Les bourgeons de mai, les fleurs, les roses, etc. Et il va se demander si ce langage, si ces images qui ont été utilisées maintes fois, sont capables de dire la beauté, la grandeur, la perfection de l'objet aimé, de l'objet d'amour. Et on voit qu'au bout d'un certain nombre de vers, le poète dit que voilà, la langue est incapable de dire ton été sans fin qui ne peut se flétrir. Donc on a un premier retournement à ce moment-là dans le sonnet. Il y a une sorte d'effort pour chasser la mort, mais en même temps son ombre pane quand même sur le sonnet. Et donc deuxième retournement, ce n'est que des vers qui pourront garantir la postérité de la beauté du jeune homme. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est évidemment un motif très commun dans la poésie depuis l'Antiquité, hein, l'idée qu'on trouve chez Horace, déjà dans ses odes, l'idée qu'on peut ériger un monument poétique faute de créer ou procréer autrement. et que c'est le monument poétique qui est plus immortel encore que les pierres du tombeau. Mais la particularité de ce sonnet-ci, et chez Shakespeare, c'est de faire émerger à la fin de ce sonnet aussi l'idée du souffle des hommes, et qui nous attire, qui nous aspire dans ce poème en tant que lecteur. Et on se rend compte que c'est en disant ce poème, il y a une notion de performance ici, hein, que c'est à travers nos yeux et notre souffle, en fait, que la postérité est garantie, et pas seulement à travers la plume de l'auteur. Voilà, donc je pense que ce qui se passe par ailleurs dans ce sonnet, c'est aussi que Shakespeare déconstruit petit à petit, au fur et à mesure qu'il avance, l'idée du style orné qui est très à la mode à l'époque. Pour dire l'amour, il faut remplir son poème de mains mm-hmm. ornements. Et ici, il montre qu'en fait, ce n'est pas ça qui compte, c'est que en fait, le poème soit dit, soit vu, soit lu, soit vivant. Et c'est plus important, en fait, pour garantir la postérité de quelque chose que la richesse d'un style orné. Pour les présenter rapidement, les sonnets de Shakespeare tels qu'on les trouve aujourd'hui sont au nombre de 154, et on peut distinguer trois séquences, en fait. Il y a les premiers sonnets jusqu'au sonnet 17 dont vous parliez, qu'on peut appeler les sonnets de la procréation. De 18 à 125, c'est plus la passion pour le jeune homme, et de 126 à 154, ce qu'on appelle l'amour de la dame brune. Alors forcément, et je vous propose qu'on aborde le thème dès maintenant, la question se pose de savoir à qui s'adressent ces sonnets. Est-ce que les sonnets qui sont regroupés sous le signe de la passion pour le jeune homme sont des sonnets qui sont adressés donc à un jeune homme, quand les autres seraient adressés à une femme? Est-ce qu'il y a la question de l'homosexualité, de l'hétérosexualité qui se pose au sein de ces sonnets? J'imagine que chaque époque a eu sa version différente des faits. Oui, alors tout à fait, chaque époque a eu sa version très différente des faits. Donc on revient à la deuxième partie de votre première question, ou l'une de vos premières questions. Est-ce que Shakespeare a voulu publier ses sonnets ainsi? Est-ce que c'est lui qui les a mis dans cet ordre? Et il y a beaucoup de mystères qui subsistent autour de la publication des sonnets en 1609. Il semblerait que le libraire-éditeur Thomas Thorpe les ait publiés lorsque Shakespeare était en fait absent de Londres, mais cela ne veut pas dire qu'il n'aurait pas, par exemple, vendu lui-même le manuscrit à Thomas Thorpe. Ce qui a beaucoup fait débat, c'est une dédicace extrêmement ambiguë, équivoque, qui est placée au début de cette édition de 1609, et où le recueil semble être dédié, mais c'est Thomas Thorpe qui signe à un certain W.S. Et donc on a cherché à savoir qui était ce W.S. Absolument convaincu qu'il s'agissait là de l'objet d'amour de Shakespeare. C'est devenu une préoccupation, surtout à partir du moment où le recueil de 1609 est repris comme un recueil qu'on ne considère plus comme apocryphe, parce que pendant longtemps, la poésie de Shakespeare est jugée apocryphe, on se méfie de ce livre, étrangement, on lit plutôt les sonnets dans d'autres versions, pendant le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, qui ont été remanipulées, dans lesquelles on a effacé partiellement l'objet d'amour masculin en le remplaçant par une femme. Et à partir de la fin du XVIIIe, on revient à cette édition Princeps, la première édition de 1609, et on essaie de comprendre qui pouvait être ce W.S. Donc il y a toutes sortes d'hypothèses qui circulent, mais les plus vraisemblables sont ça pourrait être une référence à soit à Henry Wriothesley, qui un terme très difficile à prononcer, mais qui s'écrit avec un W, voilà. Alors non, c'était pas WS, je dis des bêtises depuis le début, mais c'est, oui, parce voilà. Que WS, c'est les initiales de Shakespeare, donc j'étais en train de me dire, mais c'est WH en fait. Qui fait référence à la pièce d'Oscar Wilde, d'ailleurs, c'est sur le sujet. Voilà, donc Oscar Wilde a aussi écrit un livre sur W.H., le portrait de W.H. Tous les cas, donc on a pensé que W.H. donc pouvait être Henry Wriothesley, dont les initiales seraient donc ici inversées, et auquel Shakespeare avait déjà dédié deux poèmes narratifs, deux poèmes très érotiques d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est une des hypothèses, c'était l'un des mécènes de Shakespeare. Ou alors ça pourrait être peut-être William Herbert, qui est lui comte de Pembroke et qui est un grand mécène des arts, dont la mère était aussi mécène des arts, dont la mère s'était vue en fait attirer beaucoup de sonnettistes autour d'elle qui lui avaient dédié aussi leur sonnet. Donc d'une façon ou d'une autre, il semblerait que ces deux hypothèses les plus vraisemblables inscrivent Shakespeare dans une certaine sociabilité de l'écriture. Et tout un système de patronage ou de protection des arts, voilà. Donc, mais il y a eu d'autres théories. On a pensé que peut-être Oscar Wilde a beaucoup parlé du jeune Willie Hughes, voilà, qui aurait été un acteur, un ouais. comédien, dont Shakespeare aurait été épris, voilà. Mais parler d'homosexualité ou d'hétérosexualité, c'est un petit peu compliqué puisqu'on sait que ces concepts-là, en tant que tels, surviennent plus tard. Et voilà, ça ne veut pas dire que l'homosexualité n'était pas une réalité, mais elle n'était pas conçue comme on la conçoit aujourd'hui. Et je pense que surtout ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le recueil de Shakespeare, que c'est des sonnets en fait 1 à 126, puisque 126 est le dernier qui est traditionnellement vu comme étant dédié au jeune homme ou s'adressant au jeune homme, sont peut-être destiné à un homme en particulier, peut-être à plusieurs hommes. D'ailleurs, dans un de ses sonnets, il parle de l'objet d'amour comme recueillant, comme étant un cœur qui recueille tous les autres cœurs de tous ses amis d'avant, ce qu'il a perdu, ce qu'il pleure, ce dont il pleure l'absence. Voilà, cet objet d'amour masculin devient plus, en tous les cas, que une personne, simplement. Et puis, en fait, le recueil nous parle de l'amour comme un état souvent pathologique, mais très variable, où on ressent toutes sortes de choses oui. différentes. Donc, on a des poèmes qui s'adressent à différents moments de cet état, peut-être, ou qui nous décrivent différents moments de l'état amoureux, plus que un objet particulier. Et la deuxième partie, donc, à la dame brune, est-ce une dame en particulier, mais en tous les cas, on voit bien que Shakespeare écrit des sonnets qui n'ont plus rien de pétrarchiste dans leur célébration d'une femme idéalisée, mais qu'en fait, il avoue ou il reconnaît son désir charnel, puissant, pour le corps féminin, sans que celui-ci ne soit idéalisé. Voilà. Donc, en plus qu'une opposition ou une complémentarité entre une homosexualité et une hétérosexualité, le recueil nous donne toute une palette de désirs possibles et d'états possibles oui. de l'amoureux. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez le sonnet 20 dans lequel le Shakespeare semble faire du genre une construction qui n'est pas naturelle justement, mais qui pourrait peut-être devenir performative. Écoutez ce texte. La nature t'a peint un visage de femme, toi, maître, maîtresse de ma passion. D'une femme, tu as le cœur tendre, mais sans l'habituelle inconstance et fausseté des femmes. Tu as un œil plus brillant, moins porté aux œillades, qui dore tout objet sur lequel il se pose. Tu as la grâce d'un homme, et tu as toutes les grâces, charmant les yeux des hommes, subjuguant l'âme des femmes. Tu fus d'abord créé pour être femme, mais la nature, en te formant, s'éprit de toi et me priva de toi par un petit ajout, un quelque chose en plus à mes fins sans objet. Mais puisqu'elle t'a membré pour le plaisir des femmes, qu'à moi soit ton amour, à elle sa jouissance. Quel texte extraordinaire, Anne-Marie Miller-Blaise, que d'entendre la simplicité avec laquelle il lit des choses qu'aujourd'hui encore, nous avons tant de mal à nommer et qui posent problème aujourd'hui. Il le dit très bien, c'est le maître-maîtresse, au fond. Tu fus d'abord créé pour être femme, mais la nature en te formant s'est pris de toi et me priva de toi par un petit ajout. Oui. Et puisqu'elle t'a membré pour le plaisir des femmes, qu'à moi soit ton amour, à elle sa jouissance. Il distingue complètement les deux types d'amour. Il y a l'amour qu'on pourrait appeler, sans doute avec maladresse, platonique, et puis il y a l'amour charnel, l'amour aussi qui peut procréer, et ce sont deux corps différents. Oui, tout à fait, mais en même temps, ce poème est beaucoup plus ambigu qu'il n'en a l'air, je crois que l'un des mérites de cette traduction, c'est effectivement de nous donner un texte qui semble limpide, qui fait sens à nos oreilles aujourd'hui, mais si on va gratter dans le détail de chaque mot, de la façon dont il est placé dans ce sonnet, allez-y. Les choses sont plus complexes. En tous les cas, on pourrait en faire des lectures très variables et chacun pourra reconnaître en ce poème, je crois, sa propre théorie du genre ou du sexe, de la construction ou non du genre et du sexe. Parce qu'on peut, on peut dire que le poème, d'une certaine façon, oppose la nature qui décide des sexes, en fait, qui donne à chacun un sexe. Et voilà, que notre poète est privé de ce sexe parce que la nature en a voulu autrement, en fait. Et donc cela induit un jeu sur le genre. Mais on pourrait aussi considérer que la nature ici est elle-même une sorte de puissance désirante, plus qu'un ordre moral, et qu'elle peint, en fait, tour à tour, les visages qu'elle souhaite peindre, qu'elle appose sur les corps, les sexes qu'elle souhaite leur apposer. Et la nature est donc un peu déjà comme un artiste, vraiment un artiste peint, et comme le poète le devient lui-même, et le poète qui va créer, en fait, à travers son usage des mots, voilà, les genres qu'il souhaite créer. Donc on pourrait voir, en fait, finalement, la nature comme un artiste et l'artiste poète lui aussi comme inventant le genre à travers le langage et se donnant toute liberté poétique de réinventer le genre. Simplement, pour revenir vraiment sur l'ambiguïté du texte lui-même, en fait, on a dans beaucoup de sonnets des jeux de mots grivois, hein, c'est quelque chose qu'on voit dans le théâtre de Shakespeare. Gisèle Venet dit très bien, lorsqu'elle analyse l'usage des sonnets de la poésie dans d'autres pièces, dans des comédies, elle parle toujours de l'envers grivois qui s'invite dans des textes qui semblent être des textes plus désincarnés. Et ici, c'est tout à fait ce qu'on a, puisque dans le vers, notamment, qui nous dit que nature ajoute quelque chose en plus à mes fins sans objet, le texte anglais nous dit « by adding one thing to my purpose, nothing », où on a vraiment une transformation du « one thing », clairement évocateur, hein, du sexe masculin, to my purpose nothing, mais qu'on pourrait aussi dire nothing, en quelque sorte il y a un renversement, mais nothing était aussi un terme familier pour désigner le sexe féminin. Donc on peut lire ce poème tout à fait autrement, en disant que la nature, en ajoutant supposément une chose qui serait le sexe masculin, a permis à ce sexe masculin d'être comme un sexe féminin pour notre poète. Voilà. Et le dernier vers est tout aussi équivoque. Je ne rentrerai pas dans le détail de l'anglais, mais il y a une réelle construction équivoque, un grammatical, qui fait qu'on peut lire complètement autre chose dans le dernier vers. Et au lieu de séparer, finalement, comme le poème semble le faire, l'amour plus noble et platonique, oui, entre deux hommes d'un côté et la jouissance du corps féminin de l'autre, qu'à moi soit ton amour, à elle sa jouissance, pourrait aussi vouloir dire qu'à moi soit ton amour et tes amours jouissent de toi, y compris le poète. Donc vraiment, on a un poème ici qui semble réinstaurer de façon très claire cette séparation entre les deux amours dont vous parliez, mais il les abolit en même temps, en fait. Voilà, c'est assez extraordinaire, et c'est vrai que des théories du genre et de la construction du genre jusqu'à celle de Judith Butler peuvent trouver matière à défendre leur point de vue dans un poème comme celui-ci, qui peut être infléchi dans un sens ou un autre. Il y a quand même une vision très très sombre du désir, parce que si on peut pas maintenir l'opposition amour platonique et amour charnel tout au long du recueil, c'est vrai que Shakespeare explore la multiplicité de ce désir. Il y a des passages qui sont extrêmement sombres, voire pessimistes, quand il parle du désir. Je pense dans le sonnet 129, plus loin, qui est dédié à la Dame Noire. Le désir semble être une honte. On peut lire « Lâcher sa semence dans le désert, dans un ventre, c'est la honte du jouir. Mais avant, le désir est parjure, meurtrier, sanglant et à blâmer, violent, extrême, impoli, cruel, inconstant. Et dès qu'on a joui, on le méprise aussitôt. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est violent, mais et en même temps, il y a un mépris de soi, mais c'est aussi une énergie. Donc, les sonnets à la Dame Brune en particulier sont une célébration de l'énergie érotique de l'amour qui devient comme une métaphore pour l'énergie poétique. Et il y a une certaine honte qui est liée à cela, c'est vrai. Mais Shakespeare n'en a pas honte dans la mesure où il l'écrit et il utilise ça comme moteur pour sa poésie. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'en même temps, il montre de quelle force nous anime le désir érotique, sexuel, et en même temps, il montre que l'amour nous rend complètement aveugles. Donc, il montre comment il est happé par la personne qui dit « je » dans le poème, happé par le désir, un désir dont on n'arrive pas à se sortir. Mais bon, c'est quand même un désir qui est plein d'énergie parce qu'il nous permet de déchaîner ces talents d'invention que l'on trouve à l'œuvre dans les sonnets. Oui, mais ce qui est vrai et ce qui perturbe peut-être à la lecture de ces textes, c'est que précisément, comme nous parlons de la rencontre cette semaine, nous ne savons pas qui nous rencontrons. En fait, on n'arrive pas à se figurer qui est cette autre personne. Et là, je sors de la dimension biographique, au fond, peu importe à qui Shakespeare dédiait ses poèmes, enfin pas peu importe en général, mais là, pour la discussion qui nous occupe, si on parle des sonnets, on a du mal à se figurer qui est ce corps, qui est cet être, si bien que le lecteur rencontre-t-il autre chose que la langue poétique de Shakespeare, ce qui est déjà une rencontre extraordinaire, mais qui n'est pas une autre personne? Ben je pense, oui, qu'on rencontre surtout la langue poétique de Shakespeare dans les sonnets, ça c'est évident, et je crois qu'il y a précisément, par exemple, le jeune homme, s'il a quelques réalités biographiques, son nom est effacé avec le plus grand soin du recueil, en fait. Et donc, parce que le nom est effacé, ce qui reste, c'est la poésie, et c'est ce que la poésie crée. Donc effectivement, on ne rencontre personne, il n'y a pas une rencontre amoureuse. La rencontre amoureuse, vraiment, dans le recueil, c'est la rencontre amoureuse de la langue, tout d'abord, de ses potentialités énormes, et que l'on comprend si on les compare à tout ce que peut générer le désir amoureux, en fait, qui est une puissance qui peut vous accabler, mais une puissance qui vous anime aussi, et qui, voilà, donc je pense que c'est cette... effectivement, il n'y a pas une rencontre amoureuse, et en fait, le recueil n'est pas une narration d'une rencontre du tout, mais c'est plutôt la rencontre, effectivement, des potentialités énormes de la langue que Shakespeare manie avec un art inimitable, en fait, voilà, indépassable. Et dont il se sert notamment pour décrire les effets de l'amour qu'il ressent et du désir qu'il ressent pour le destinataire de ce texte. Et je pense notamment à l'importance accordée au temps qui passe, à la mort. Et dès le premier sonnet, le dernier mot, c'est quand même la tombe. Cette importance de la mort et du temps qui passe est cruciale dans ces sonnets. Je pense notamment au sonnet 64 qu'on va entendre à présent et qui décrit avec le même sens des images comment l'amour et le désir ressenti peuvent engendrer un nouveau rapport au temps. Quand j'ai vu abattu par la cruelle main du temps les splendides tombeaux des âges révolus, ou quand je vois raser les tours naguère altières et le bronze immortel soumis à mortelle fureur, quand j'ai vu l'océan affamé se ruer, prendre le dessus sur l'empire du rivage et la terre ferme envahir les étendues marines, chaque élément gagnant ce que l'autre a perdu, quand j'ai vu tant de choses échanger leur état, l'état lui-même s'effondrer, anéanti, la ruine m'a ainsi appris à ruminer qu'un jour le temps viendra me prendre mon amour. Cette pensée est comme une mort. Je ne peux que pleurer d'obtenir ce que je crains de perdre. Faut-il déduire de ce poème que l'amour ressenti est indissociable disons d'une réflexion qui serait existentielle quant à notre propre finitude d'être humain. Plus j'aime, plus je prends conscience que je ne suis pas éternelle. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce poème par rapport à la question du temps, à l'amour, la mort. Mais effectivement, en tous les cas, l'amour est peut-être un état peut-être existentiel. Je ne sais pas si le mot peut vraiment être utilisé pour Shakespeare, mais oui, est un état où on a qui permet de conscientiser de façon particulièrement vive le sentiment de finitude de l'homme, un sentiment qui apparaît partout hein, dans la poésie baroque de l'époque. C'est pas quelque chose qui soit propre à Shakespeare, mais c'est vrai que c'est cette identification au moment de la pensée de l'amour, c'est quelque chose d'assez puissant hein, dans ce poème. Et je pense que c'est très intéressant parce que ce poème illustre une fois de plus aussi, en fait, il y a une performativité du temps aussi dedans qui illustre une fois de plus la spécificité de la forme shakespearienne du sonnet. C'est-à-dire qu'on a quand même cette anaphore qui revient, qui ponctue en fait ce qui correspondrait au 3-4-1 au niveau des rimes, quand j'ai vu, quand j'ai vu, quand j'ai vu. Cette conscience des métamorphoses constantes du monde, de sa mutabilité, de sa mortalité qui vient s'ancrer dans des échos du livre 15 des métamorphoses d'Ovide, là par exemple ici. Et donc il y a cette dynamique qui est embrassée dans une forme aussi petite que le sonnet, mais qui devient immense parce qu'il arrive à embrasser cette même mutabilité que les métamorphoses d'Ovide, et cette structuration par l'anaphore, et puis on est amené ensuite dans une chute brutale où on s'extrait de cette mutabilité pour se reconcentrer sur le moment présent de la pensée. Donc à chaque fois, Shakespeare, par cet usage du distique final qui vient tout renverser, nous mène sur le bord en fait du temps, au moment de l'anéantissement, mais celui qui est aussi le moment où l'on sait que l'on existe, donc oui, peut-être existentiel, où l'on sait que l'on aime et que l'on peut perdre ce que l'on aime. Donc voilà. Et ce sonnet entre aussi en résonance, à mon sens, avec la même douleur et mélancolie qui est exprimée dans un passage très connu de La Tempête, où Prospero met tout d'un coup fin à un spectacle qui donne en l'honneur de sa fille Miranda qui va se marier au jeune Ferdinand, et c'est son cadeau comme de mariage, donc la promesse d'un avenir. Mm-hmm. Mais au moment où sa fille se marie, et le mariage est aussi un moment de prise de conscience de la mortalité, si l'on promet d'aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours, il interrompt tout d'un coup le masque, le spectacle est en train de donner, en disant voilà, nos divertissements sont finis maintenant, et voilà. Et dans ce poème-ci, on voit quelque chose de similaire arriver, c'est-à-dire le moment où il y a la conscience qu'il y a un amour et un objet d'amour, c'est le moment où l'on sent que on est vivant, mais où tout peut basculer. Mais néanmoins, il y a quand même la promesse de quelque chose. La perte n'est pas encore arrivée. Donc le sonnet étend un peu le temps présent pour nous et nous permet de vivre dans ce présent un tout petit peu épaissi. Si je profane avec ma main indigne cette chasse sacrée, c'est un très doux péché. Permettez à mes lèvres, comme à deux pèlerins rougissants, d'effacer ce grossir attouchement par un tendre baiser. Ah. Humble et gentil pèlerin, vous êtes injuste envers votre main. Qui n'a montré qu'une respectueuse dévotion en ceci? Les saintes ont des mains que les mains des pèlerins touchent aussi. Paume contre paume, et c'est un pieux baiser. Les saintes ont des lèvres? Les pèlerins n'en ont-ils pas aussi? Oui, pèlerin, mais des lèvres qui sont vouées à la prière. Oh. Alors, chère sainte, que les lèvres fassent ce que font les mains. Elle prie, exauce-les de peur que leur foi ne devienne désespoir. Mais les saintes restent immobiles, même en exauçant les prières? Reste donc immobile. C'est le fruit de ma prière que je vais cueillir. Ainsi, de mes lèvres, par les tiennes, le péché est effacé. La première rencontre entre Roméo et Juliette dans la version du film de Franco Zeffirelli qui date de 68. Vous avez insisté, Anne-Marie Miller-Blaise, sur la relecture romantique du travail de Shakespeare. Là, on peut dire que c'est le cas. Cette scène de la première rencontre et du premier baiser dans l'acte 1 de la scène 5. Et vous disiez que cet échange pouvait prendre, la déclaration d'amour pouvait prendre la forme d'un sonnet, c'est ça? Elle prend très exactement la forme d'un sonnet, hein, si on relit l'acte 1, scène 5. On voit effectivement que ce moment de premier échange, en fait, entre les jeunes amoureux, de ces star-crossed lovers, ces amoureux maudits par les étoiles, par le sort, prend dans le texte la forme d'un sonnet et donc se détache, hein, pour l'oreille du spectateur en anglais, comme un sonnet. Donc effectivement, Shakespeare, dans Roméo et Juliette, joue avec l'idée que les amoureux, ceux qui sont transis d'amour, écrivent forcément sous forme de sonnet. Il réinvestit toute une poétique pétrarchiste qui s'est répandue en Europe, qui fait de la dame un objet de culte, la dame aimée. Donc on voit ce langage du pèlerinage, de l'adoration, du culte être repris. Le tour de force incroyable de Roméo et Juliette, c'est que Shakespeare va en fait va donner une incarnation à toutes ces métaphores. Alors que dans les sonnets de l'époque, l'amour vous tue, ou la femme aimée vous tue de ses regards blessants et dédaigneux, dans Roméo et Juliette, l'amour tue vraiment. Donc le moment de ce premier échange, qui passe des mains chastes aux lèvres un peu moins chastes, eh bien nous fait passer aussi vers une incarnation de ce qui n'était que métaphorique, hein, dans beaucoup de textes, et donc l'amour va tuer pour de vrai. Et au moment de cet échange qui marque comme un saut, hein, qui marque d'un saut leur amour, où les mains et les lèvres sont les sauts, sont ceux qui scellent l'amour, ce qu'ils scellent aussi, bien sûr, c'est leur sort tragique, qui est annoncé en fait dès le début de la pièce par un chœur qui prend la forme d'un sonnet. Donc Shakespeare joue avec la forme du sonnet vraiment à travers Roméo et Juliette, voilà. Mais c'est vrai que qu'il lit Eros et Thanatos, bien sûr, les deux. Et c'est très intéressant. J'ai eu l'occasion d'enseigner cette pièce à un jeune public américain pendant que j'ai passé un an et demi à enseigner aux États-Unis. Et tous les petits Américains font Roméo et Juliette en troisième. Et lorsqu'on leur montre ce lien dangereux de l'amour à la mort et l'amour comme conscience du temps, ils sont très déçus parce que on vient mettre le doigt sur quelque chose qu'ils ne veulent pas forcément voir dans le texte. Et c'est vrai que beaucoup d'adaptations peuvent occulter un petit peu, voilà. Et romantisent, mais en un autre sens que la poésie romantique de l'âge romantique. Un autre thème que l'on trouve dans les sonnets, et qui n'est pas sans lien d'ailleurs ni avec Roméo et Juliette, ni avec les autres pièces de Shakespeare, c'est intéressant d'interroger les liens et les différences entre ces pièces et sa poésie, c'est celui de l'amour qui ressemble à une maladie, pas simplement qui nous renseigne sur notre finitude et notre condition d'être mortel, mais sur le caractère, quasiment médical de ce sentiment qui peut devenir une maladie, voire même un poison. C'est le sens du sonnet que je vous propose d'écouter maintenant. Mon amour est comme une fièvre. Il recherche ce qui fait durer sa maladie plus longtemps, se nourrissant de ce qui préserve le mal pour flatter l'appétit capricieux et malsain. Ma raison, médecin de mon amour, fâché qu'on ne respecte pas ses ordonnances, m'a quitté, et dans mon désespoir, je concède que le désir mène à la mort et ne peut être soigné. Incurable je suis, qui n'a cure de la raison, et fou furieux, s'agitant sans repos. Mes pensées et mes mots sont le fait d'un démon, loin de la vérité, divagant en tous sens. Car je t'ai juré belle et claire, toi qui es noir comme l'enfer, sombre comme la nuit. Vous aurez remarqué dans ce sonnet lui par Denis Podalydès que nous sommes passés au féminin. C'est je t'ai juré et eux, belle et claire, toi qui es noire comme l'enfer et sombre comme la nuit. On est au sonnet 147, donc dans la dernière partie du recueil où il s'agit sans doute de la dame brune. Je constate que dans ce poème et dans ce qu'on a entendu, Anne-Marie Miller-Blaise, l'insistance sur la maladie ici, donc le caractère vraiment humain au fond de ce sentiment, l'insistance sur la mort, dépeignent un monde qui est sans transcendance, un monde sans au-delà. Il n'y a pas question de Dieu, ni même d'une sorte de mysticisme qui parierait sur la présence d'autre chose que ce qu'il y a ici-bas. C'est un monde absolument immanent, non ? Très immanent, oui. Un monde très immanent chez Shakespeare. C'est quelque chose que l'on voit à travers toute sa poésie, en fait, et pas seulement les sonnets. C'est un monde, effectivement, où l'amour est décrit vraiment comme une pathologie mélancolique avec ses symptômes, ses tentatives de guérison, ses cures. Ici, en fait, Shakespeare reprend quand même aussi un topos, c'est-à-dire un lieu commun de la poésie pétrarchiste qui veut que l'amour est toujours une expérience paradoxale et qui relève de l'oxymore, c'est le doux amer, c'est le plaisir de souffrir en fait. Et effectivement ici on le voit qui cherche en fait à faire durer sa maladie plutôt que la soulager. Mais c'est cette image-là de l'amour comme maladie physique, matérielle presque, on l'a aussi dans des pièces comme Le songe d'une nuit d'été qui est à peine un enchantement et surtout un monde de multiples mots amoureux. Et c'est vrai qu'une des spécificités vraiment de Shakespeare par rapport à d'autres sonnettistes de son temps, c'est qu'il n'y a pas de mouvement vers la conversion hein, dans son recueil de sonnets. On voit ce dessin-là être répété à la suite de Pétrarque chez des auteurs du temps de Shakespeare comme Spenser ou comme Daniel qui amène en fait progressivement à travers le recueil de sonnets à une certaine conversion et à sublimer quelque chose et à atteindre un certain niveau plus élevé de l'amour ou plus idéalisé. C'est quelque chose que Shakespeare n'atteint, Shakespeare poète ou la voix du poète n'atteint ni dans les premiers sonnets 126 supposément dédiés au jeune homme ni dans les sonnets, encore moins dans ce dédié à la jeune femme, et peut-être encore moins dans la mesure où le texte est suivi d'un long poème qui s'appelle La complainte de l'amoureuse, qui montre encore plus tous les faux semblants de l'amour et la corruption de l'amour. Donc effectivement, il n'y a pas de... c'est un monde très, très matériel quand même, dans lequel en fait, effectivement, on ne semble pas pouvoir dépasser l'amour incarné, en fait, mais ce n'est pas un mal une fois de plus, parce que même si c'est un poison, c'est aussi ce qui nourrit la création littéraire. Et dans ce sonnet 147, un autre point important, c'est que on voit aussi, et là ça fait penser à nouveau au songe d'une nuit d'été, lorsque dans son incroyable théorie de l'imagination où il compare en fait le poète, le fou et l'amoureux comme trois versions finalement d'être doué d'une grande imagination. L'imagination est elle-même une faculté maladive qui peut vous faire voir un ours à la place d'un buisson, dit-il hein, dans le songe d'une nuit d'été. Et effectivement, ici, on a bien un amoureux qui est complètement aveugle, qui trouve belle, il jure belle et claire celle qui est noire comme l'enfer et sombre comme la nuit. Mais voilà ces erreurs-là, et il y a beaucoup d'erreurs au sens d'errance, pas de faute morale, mais il y a beaucoup d'errance dans le recueil de Shakespeare. Cette errance, elle est productive, en fait, de poésie. Donc finalement, mais le prix est très cher payé quand même, Anne-Marie Miller-Blaise. Oui. Ça veut dire que pour écrire, il faut la contrepartie, c'est quand même beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance et aucune possibilité de s'en sortir. C'est-à-dire que c'est l'expérience que l'on fait. Je pense que la poésie de Shakespeare est fidèle à la complication du sentiment amoureux. Ah, vous croyez ? Oui, je pense. Oui, parfois il y a des moments de joie aussi quand même. Oui, il y a des moments de joie, bien sûr. Et il en tire aussi des moments de joie, mais il ne cherche pas à occulter les complexité et les paradoxes de l'amour, en fait. Mais non, je ne trouve pas que ce soit cher payé. Je trouve c'est que vrai. Ça en vaut la peine. Ah, ça sans doute. C'est pas ce que je juge. Et au contraire, d'ailleurs, on est bien heureux que cette poésie puisse exister. Simplement, si la contrepartie, c'est cette vision quand même très, très sombre et violente d'une, du reste de l'existence. Heureusement que Shakespeare l'a vécu ainsi, parce qu'il nous lègue aujourd'hui des textes extraordinaires. Voilà, après, c'est pour chacun, ça nous renvoie à une expérience que peut-être nous ne voulons pas voir, vous avez raison, ou qui peut-être, qui sait, pour les autres personnes, serait incomplète. Oui, je pense qu'il n'y a pas de... Il ne croit pas à l'amour gratuit et désintéressé, et que toute expérience est compliquée, et toute relation interhumaine est compliquée. Mais je crois surtout que ce qu'il fait dans ses sonnets, plutôt que de... plutôt que de dépeindre la douleur absolue qu'est l'amour, il nie pas que l'amour contient aussi la douleur, mais ce qu'il fait surtout, c'est qu'il nous explique peut-être que le génie poétique, ce n'est pas quelque chose qui est transcendant et qui est donné par le divin, mais qu'en fait, ouais. C'est-à-dire que toute mélancolie et au sens d'humeur matérielle même, de la bile noire qui coule à l'intérieur de nous, cette mélancolie-là, elle est notre matériau poétique, en fait. Merci beaucoup, Anne-Marie Miller-Blaise, de nous avoir donné envie de lire ce sonnet, et merci aussi d'avoir travaillé avec Jean-Michel Desprats à la traduction de ce sonnet, qu'on pourra donc découvrir en Pléiade à la fin de l'année, c'est ça? Voilà, à la fin de l'année, si tout se passe bien, ou tout début 2021, si les choses sont retardées un peu plus, mais c'est imminent. Donc, voilà. On attendra, en tout cas, avec impatience. Merci de nous en avoir parlé ce matin. À bientôt. Merci à vous, au revoir. Et on se quitte avec le sonnet 40 de Shakespeare, chanté par Rufus Wainwright, « Take All My Loves ». My Loves, le sonnet 40 de Shakespeare, chanté par Rufus Wainwright sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. C'est l'heure d'accueillir Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Parmi les nombreux poncifs de la littérature mi-philosophie, mi-développement personnel, être en paix avec soi-même, son corps, ses échecs, ses rêves et même sa vie, en toute simplicité, est l'un des plus remarquables. L'absence de troubles, de conflits, le calme et la sérénité seraient la clé d'une existence bien menée. Mais est-ce si sûr que ça? La paix est-elle le signe que tout est réglé entre soi et les autres, entre soi et soi-même? Comment être en paix avec moi-même? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez cette question puis que vous aimeriez vraiment des réponses parce que probablement que vous sentez à l'intérieur de vous, au quotidien, que vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Je connais bien cette sensation parce que je l'ai éprouvée pendant des années et je sais cet inconfort Et puis surtout, ce doute quand on ne sait pas vraiment pourquoi on n'est pas en paix avec soi et qu'on ne sait pas comment ramener cette paix intérieure. Si on aime lire les livres et les articles de développement personnel, de bien-être et de coaching, comme c'est mon cas, il faut malgré tout reconnaître qu'on peut très vite s'ennuyer. Il y aurait beaucoup d'autres reproches à faire à ce champ singulier qui a tant de succès, mais je reste toujours frappée par l'écart qu'il y a entre la promesse « qui n'aurait pas envie d'aller bien » et le manque d'imagination des solutions apportées, des arguments aux exemples employés. Si on est attentif, on pourra ainsi remarquer que dans ce domaine, c'est la binarité qui domine. Car il s'agit toujours soit de se mettre à l'épreuve, de sortir de sa zone de confort, de faire face à ses faiblesses et ses échecs, d'étendre sa vision et son action, soit au contraire de faire la paix, d'être non pas sur le front mais en retrait, dans la résilience et l'acceptation d'un état de fait. Et c'est bien de cette deuxième voie que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Faire la paix avec les autres, trouver la paix en soi-même, cultiver sa paix intérieure. Les formules varient peu, car toute l'idée ne tient au fond qu'à un seul but, surtout ne pas être en conflit, ne pas faire de vagues, ni troubles, ni obstacles. Mais de quoi cette paix est-elle faite si elle n'est qu'absence de conflits, d'obstacles, de vagues ou de troubles? Que peut bien apporter la paix quand elle n'est que la négation de son contraire? Quand tu commences ta journée, y'a que toi pour mettre les pieds dans tes souliers. Tu sors de chez toi tout léger, tu sors de chez toi tout léger. Ta route c'est toi tout seul qui dois la tracer. En paix avec toi-même. Pourquoi tant vouloir atteindre la paix? Qu'est-ce que peut apporter un tel état de tranquillité, de sérénité et de concorde? Pour ma part, beaucoup de choses. Comme j'en ai déjà parlé lundi, pour rien au monde, je ne sortirai de ma zone de confort. Mais encore faut-il s'entendre sur cette zone de confort, sur ce cercle soi-disant sécurisant et apaisant que les coachs tracent autour de notre moi et qui serait fait de nos relations familiales, amicales, du travail et des occupations quotidiennes. La paix, il faut le dire, est loin d'être toujours acquise. Il faut du courage pour s'y tenir et même se battre pour y rester. Tout le paradoxe est là. La paix est faite de remous, de doutes, d'inquiétudes, et vouloir l'atteindre et se méprendre sur le calme censé y régner. Hélas, la paix n'est pas le signe que tout va bien, et la trouver comme on tomberait sur un trésor relève du fantasme. C'est terrible, mais l'existence n'a souvent rien d'une alternative ou d'une succession d'états, passant du champ de bataille avec des camps bien définis à un état de trêve où tout serait parfait. La paix, je dirais, a même quelque chose de profondément trompeur. Car qui peut se dire définitivement tranquille avec lui-même, comme s'il avait signé un pacte avec lui seul? Qui peut dire qu'il accepte tout des autres sans broncher? Se lever le matin est déjà un effort. Faire avec son corps, parfois, souvent même, une plaie. Faire avec d'autres que soi une épreuve. Et les soirs de plaisir et d'ivresse se paient toujours d'une gueule de bois monumentale. Mais de quel état de calme, de tranquillité, de paix parlons-nous? Que voulons-nous? Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Au fond, le problème est là, dans cette idée que l'on se fait de la paix qui serait au choix quand on l'oppose à la sortie d'une zone de confort, l'engluement nocif dans ses habitudes, la paresse de celui qui se vautre, ou qui serait, quand on la valorise, quand on la recherche, le déni des tensions qui nous animent, l'absence de toute vague qui nous bouleverse. Tout ou rien. C'est dommage parce qu'il y a souvent un peu de tout et beaucoup de presque rien. Pour ma part, j'apprécie l'engluement. J'aime la routine et les habitudes. Rester sur un canapé ne me fait pas peur et encore moins culpabiliser. Mais ce n'est pas pour autant un état de tout repos. Je ne trouve jamais la paix dans ces moments-là. Je suis au contraire submergée de plaisir et de pensée. La paix, ou du moins les moments de calme, de confort, de sérénité, n'ont rien d'apaisant. C'est dur à avaler, mais il faut faire avec. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, confinement ou pas, à préparer ces émissions. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Clara de Giovanni, Anaïs Isbert, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Thomas Beau qui réalise pour vous cette semaine à la prise de son. Aujourd'hui, c'était Inès de Bruyne. Merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison et ainsi permis cette émission. Demain, suite et fin de notre série autour des rencontres amoureuses. On parlera de cinéma et de comédie romantique en compagnie de la philosophe Eliette Abécassis, plus précisément La La Land de Damien Chazelle et Elle et lui de Léo McCarey.